Chapitre 3. Sur mon lit, au long de la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit alors, il faut que je me lève, je ferai le tour de la ville par les rues et les places. Je chercherai partout celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai rencontré les gardes qui faisaient le tour de ville. Je leur ai demandé, celui que mon cœur aime, ne l'avez-vous pas vu? Les ayant dépassés, peu après, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi bien fort et ne l'ai plus lâché qu'après l'avoir conduit au logis de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné le jour. Ô fille de Jérusalem, or je vous en conjure par les gazelles ou par les biches de la campagne, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Qui monte du désert comme un nuage de fumée, aux senteurs de myrrhe et d'encens et de tous parfums exotiques? Voici le palanquin de Salomon escorté de ses 60 hommes, l'élite des guerriers en Israël. Ils sont tous armés de l'épée. Ils sont initiés au combat. Chacun a l'épée au côté pour parer aux dangers nocturnes. Le palanquin royal fait sur ordre de Salomon est en bois du Liban. Ses colonnes sont en argent. Son dossier est en or. Son siège est fait en pourpre. Les filles de Jérusalem ont tapissé avec amour tout l'intérieur du palanquin. Ô filles de Sion, sortez et contemplez le grand roi Salomon portant le diadème dont le ceignit sa mère au jour de son mariage, au jour où tout son cœur était rempli de joie.